pas beau, elle voit le cadre à Noël, crie oh oui. Et moi je peux rien faire si t'aimes pas mon son, c'est que t'as pas loué. Elle s'en fout de l'argent, t'as calé dans tes bras, elle s'épanouit. Hier j'ai tellement fumé sur pépé, moi de je m'évanouis. L'amitié elle est folle, elle veut faire le signe d'où le même quand elle dit oui. Dans le game j'ai des bannis, elle t'appelle moi ta fidouille. Tu viens boire à moi, c'est pas ma faute si ton pote est à couler. J'ai un charbon, je crois. 4 ou 22 temps. Dans la banane, 10 000 le grand. Quand on s'embrouille, tu sens le camp. Ouais, en plus, tu fais le grand. T'avais ça, mais ça. Sur pépé, je le savais ça. Ensemble, tu peux pas faire ça. Ouais, pour pas quand je suis absent. Hier, j'ai tellement fumé sur pépé, moins d'eau, je m'évanouis. L'amitié, elle est folle, elle veut faire le signe d'eau, même quand elle dit oui. Dans le game, je vais débarquer, elle t'appelle moi, t'as fait bouillir. Tu viens boire à moi, c'est pas ma faute si ton pote est à coup. Je fais l'album dans la brèche, posé avec le sang, on fait le sang.